Bonjour, aujourd'hui je vous parle du sang de Jésus. La Bible dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Ailleurs, elle dit « Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix ». Encore ailleurs, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés ». Encore ailleurs, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, ce qui veut dire que le sang versé de Christ rend Dieu propice à notre égard. Ce qui veut dire que Dieu nous regarde maintenant de façon propice, avec toute sa faveur. Ailleurs, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous ». En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui. Alors peu importe les péchés ou les sales habitudes qui sont dans votre vie, ne cessez jamais de croire en l'amour de Dieu pour vous. La Bible dit que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Ce qui signifie que le Christ n'est pas seulement venu nous purifier de petits péchés, des péchés véniels, où l'eau de notre baptême suffirait, mais de ceux qu'on appelle mortels et où le sang entre en opération. Alors si vous êtes aux prises avec des péchés très graves qui ont en vous de profondes racines, rassurez-vous, aucun péché ne résiste au sang du Christ. Serait-ce même le meurtre, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour vous le pardonner. Renonçons à nos péchés et fuyons ceux qui nous induisent dans le mal. Vivons pieusement durant notre passage sur la terre. L'imitation de Jésus-Christ procure la vraie joie de vivre, celle qui est intérieure. Notre monde nous tente par des choses temporaires, mais Dieu va nous satisfaire de biens spirituels éternels. Alors venons à Jésus-Christ comme nous sommes, avec tous nos défauts, avec tous nos problèmes, avec tous nos péchés. Pire qu'on est, plus Jésus-Christ nous veut. La Bible dit « Jésus prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Allez dans une église là, et prenez la Sainte Communion. Entrez en alliance avec votre Dieu. Saint Augustin disait « Ce que notre Seigneur a perdu en beauté sur la croix, nous l'avons gagné. » En effet, c'est la difformité de Jésus crucifié qui fait maintenant la beauté de nos âmes. Elles étaient toutes défigurées. Mais lavées dans son sang divin, elles deviennent toutes pures et toutes belles. Alors si ce message vous a touché et que vous réalisez que vous avez besoin d'être purifié de vos péchés, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Que son sang me lave et me purifie de toute iniquité. Amen. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.